La comtesse Faustine de Ida Anne Anne. Chapitre 1er. On trouverait difficilement, dans tout le nord de l'Allemagne, un site plus délicieux que la terrasse Breuelen à Dresde. C'est là que, par une belle journée de juin, quelques jeunes gens à la mode, assis devant le pavillon baldinien, fumaient leurs cigares, prenaient du café ou des glaces et passaient en revue les promeneurs. Il n'était encore que 3 heures de l'après-midi, et par conséquent, les dames du beau monde ne se montraient point sur la terrasse. On pouvait supposer qu'elles craignaient, pour la fraîcheur de leur teint, les rayons brûlants du soleil. Mais une raison plus plausible, c'est que l'instant du dîner approchait. Quoi qu'il en soit, la promenade était abandonnée des élégantes de la ville. Aussi, la présence, en ce lieu et à cette heure, d'une dame qui semblait appartenir au premier rang de la société, en était-elle d'autant plus remarquable. Cette dame se tenait assise sur un banc, à l'écart, ne se laissant pas distraire par les jeux d'une troupe d'enfants qui folâtrait à quelques pas plus loin. Son aspect ne semblait exciter aucune surprise. Il était évident que c'était une femme que toute la ville connaissait, mais qui n'avait donné à personne le droit de l'aborder. Elle dessinait un des points du paysage. Debout à ses côtés et immobile comme une statue, un balai de pied déployé au-dessus de sa tête, un ample parasol de manière à empêcher les rayons changeants de la lumière ou les ombres mobiles du feuillage de tomber sur le papier et la main de sa maîtresse. Celle-ci fixait tour à tour ses grands yeux bleus sur l'horizon et sur les progrès de son dessin, puis son crayon agile recommençait à courir sur le carton. Sa main, qu'elle exposait dégantée au souffle de l'air, offrait une délicatesse de forme tout à fait aristocratique et elle-même, autant que son attitude penchée permettait d'en juger, devait être jeune et jolie. « Eh bien, messieurs, je vous annonce que Lady Géraldine est partie aujourd'hui pour Töplitz, » disait un des jeunes gens avec l'air d'importance que méritait cette nouvelle. « Cela a été réglé et décidé depuis longtemps, » répondit un autre qui voulut atténuer le triomphe de son rival. « Sans doute, mais le jour fixé était demain. » « Je vous demande pardon, c'était aujourd'hui même. » « Aujourd'hui ou demain, peu importe, » dit un troisième qu'on appelait le Centaure. « Le fait est qu'elle est partie et que Dresde sera bientôt désert. Nous devrions le quitter aussi. Je déteste de ne voir autour de moi que des visages inconnus ou des figures vulgaires. » « Quant à moi, » dit un nouvel orateur, « j'aime les étrangers. Ce sont des oiseaux de passage qui, dans leur vol vers les eaux, s'abattent sur la bonne ville de Dresde et y laissent toujours quelques plumes. » « Les étrangers, » reprit le centaure, « c'est à la rigueur une espèce supportable. S'ils viennent, ils s'en vont, et l'on est délivré de leur présence. D'ailleurs, on trouve parmi eux d'excellents écuyers. Mais je parle de ces gens qui n'ont pas de nom, ou dont le nom, répété 100 fois, ne vous est ni mieux connu ni mieux fixé dans votre mémoire. Je parle de ces êtres hétérogènes qui ont la fatuité de vous saluer parce que dans un salon, un théâtre, quelque part, enfin, on ne sait plus où, le hasard les a placés à côté de vous. Et voilà le genre d'habitants qui restent à Dresde, vers l'époque où nous sommes, de vrais fantômes qui hantent ces rues comme les ruines d'un vieux château. Il faut convenir en effet qu'il est triste de passer ici l'été. Mortellement triste, continua le centaure. Ainsi, par exemple, le comte de Mengen, le premier secrétaire de l'ambassade, est arrivé hier. Son ambassadeur n'attendait que son retour pour aller aux eaux, et le pauvre comte va vivre dans la plus belle solitude. Je lui souhaite bien du plaisir. Quant à moi, je quitte Dresde. Pour quel pays, pour quelle ville ? Demandèrent les jeunes gens. Sur ma foi, je n'en sais encore rien. Peut-être pour Töplitz. Si seulement le prince Clary voulait y établir des courses, comme il y en a dans tout pays un peu civilisé, Töplitz deviendrait une ville à la mode. Elle possède un terrain excellent pour le turf. Quant aux chevaux, connaissez-vous le comte de Mengen ? Demanda un des jeunes gens. Je l'ai vu ce matin chez Feldern, qui est son ami de collège, et qui nous a présentés l'un à l'autre. Comme je vous le disais, je m'étonne que le prince Clary. Et quel homme est-ce que le comte ? Demanda encore le même interrupteur. A-t-il l'air d'un homme bien né ? Je crois, répondit gravement le centaure. Oui, je suis sûr qu'il doit monter parfaitement à cheval. Mais, mon cher centaure, cela ne suffit pas. On n'est pas continuellement à cheval. Il faut aussi consacrer un peu de son temps à la vie des salons. Eh bien, ce sont là deux sciences entièrement distinctes. Posséder l'une ne prouve nullement qu'on possède l'autre. Celui qui est bon écuyer, répliqua le centaure avec emphase. Celui-là peut se présenter partout avec confiance, car partout il paraîtra à son avantage. Il réunit la grâce, la vigueur, l'aisance et le sang-froid, en un mot, toutes les qualités qui constituent le parfait cavalier. Même l'esprit et le bon sens. Même l'esprit et le bon sens. Allez, les chevaux sont comme les femmes, des animaux rusés et capricieux, qui devinent vos moindres faiblesses et savent en profiter. Pour vaincre leur naturel rétif, pour les habituer à l'obéissance, les réduire, les mater, il faut de la patience, mes amis, il faut de l'adresse. On les conduit avec la main et le genou, on emploie l'éperon et la bride, mais on n'en fait rien de bon sans avoir de la tête, beaucoup de tête. Alors, mon cher centaure, vous qui êtes un si habile écuyer, que ne vous mariez-vous? Votre femme serait ce qu'on peut appeler bien conduite et bien dressée? Oui, oui, crièrent les jeunes fous, conduite avec le genou et la main. Dressée avec l'éperon et la bride, sans oublier la cravache. Le centaure, avec un flegme tout germanique, examinait tour à tour les mauvais plaisants. « Certainement, messieurs, leur dit-il enfin, je n'oublierai pas la cravache. Cependant, le mieux pour moi est de ne point me marier encore. L'équitation est sans doute une excellente école qui vous prépare au mariage, mais... il n'en sort que des écoliers. Bravo, bravo, c'est cela, bien répondu. » Et une clameur couvrant la voix du centaure ne lui permit pas de répliquer. En ce moment, deux autres jeunes gens se montrèrent à l'extrémité de la terrasse. « Voici Feldern, dit aussitôt un derrière. Son compagnon est probablement le comte de Mengen. N'ai-je pas bien deviné, mon cher centaure ?» Le centaure se contenta d'incliner la tête en signe d'assentiment. Ses yeux restèrent fixés avec admiration sur celui qu'il avait désigné comme le comte de Mengen, et il y eut un moment où il murmura dans sa barbe « Un homme taillé comme celui-là doit monter parfaitement à cheval. » Feldern, avec sa taille petite et fluette, sa tournure élégante, ses mains blanches et mignonnes comme celles d'une femme, son visage rosé et toujours souriant, qui lui donnait l'apparence d'une jeune fille de 14 ans, offrait un contraste parfait avec son compagnon de promenade. Celui-ci était un cavalier de haute stature, à la mine sérieuse, aux proportions athlétiques, et qui, du pied à la tête, semblait avoir été coulé en bronze. Ses yeux noirs et expressifs brillaient par moments d'un feu extraordinaire, dont on avait peine à soutenir l'éclat, et qui semblait tout illuminé autour de lui. Homme de noble naissance, froid et réservé dans ses manières, observateur satirique des défauts de l'humanité et passant de la plus amère censure au plus ardent enthousiasme, tel était le comte Mario de Mengen. Feldern le présenta à ses amis. Quelques-uns l'accueillirent avec curiosité, tous avec une sorte de déférence qu'il commandait sans le vouloir. La conversation, un moment interrompue, reprit bientôt son cours. Le comte s'assit un peu à l'écart du petit groupe et, croisant les bras sur sa poitrine, il ne s'occupa que d'admirer le beau point de vue qui s'ouvrait devant lui. « Eh mais !» s'écria tout à coup Feldern. « N'est-ce pas la comtesse Faustine que j'aperçois sur ce banc ?»« Elle-même, » reprit un des jeunes gens. « Il y a une grandeur qu'elle dessine à cette place, et elle n'a pas seulement tourné la tête de notre côté. »« Elle a tort, » poursuivit Feldern en riant. « Une jolie femme doit se laisser voir. » Et regardez aussi un peu autour d'elle, surtout quand elle a des voisins faits d'une certaine façon. « Ah ça, messieurs, où est donc Andlau ?» demanda le jeune homme, qui avait si vaillamment tenu tête au centaure. « Comment souffre-t-il que sa belle comtesse aille continuellement seule et passe de longues heures loin de lui ?»« Messieurs, les maris ont souvent le tort de trop lâcher la bride à leurs femmes, » remarqua sentencieusement le centaure. « Mais Andlau n'est pas, que je sache, le mari de la comtesse. » dit Feldern. « Quoi ? Vous ne pensez pas, avec toute la ville, qu'ils soient unis par un mariage secret ? À quoi bon la gêne d'un mariage secret puisqu'ils sont libres tous deux ? Murmura le centaure. « Cependant, Feldern, continua le même jeune homme, tandis que tous les autres écoutaient avec attention, il peut exister des raisons que tout le monde ignore. Et tenez, sans aller plus loin, les caprices et l'humeur fantasque de la comtesse servirait d'explication pour des choses encore plus difficiles à expliquer. Vous n'ignorez pas qu'elle cherche tout ce qui s'écarte de la règle commune. Dans sa manie d'excentricité, il n'est rien qu'elle ne brave. Elle est femme à endurer même le supplice d'une position équivoque. « Oh !» dit encore le centaure. « Je conviens qu'elle a une manière de voir et d'agir qui n'appartient qu'à elle, » dit Feldern. « Pourtant... »« Voilà un trait d'elle qui vient à l'appui de ce que j'avance, poursuivit l'opiniâtre orateur. L'été dernier, elle a porté la même robe et la même toilette à toutes les grandes réunions où elle a paru. Je vous fais remarquer qu'elle va très peu dans le monde, objecta Felder. Oui, maintenant elle se retire peu à peu de la société, ou bien la société se retire d'elle, c'est l'un des deux. Mais dans les premiers temps de son arrivée ici, on la recherchait avec empressement, et elle courait les bals et les fêtes. Or, messieurs, elle avait adopté une certaine robe de satin bleu clair, qu'on lui voyait toujours et partout. La robe était jolie et lui allait à ravir, mais cela n'excusait pas une pareille monotonie de toilette. Les femmes en firent bientôt la remarque, d'abord tout bas, puis tout haut. Les unes disaient que la comtesse n'avait sans doute qu'une seule robe, supposition peu admissible, vous en conviendrez. D'autres prétendaient qu'elle était vouée au bleu. Un soir, en dansant avec elle, je me hasardai à lui faire une petite allusion à ce sujet. Elle leva sur moi ses grands yeux, dont l'expression vous remue jusqu'au fond du cœur et de l'air le plus tranquille du monde. « Je me dispense de tout ce qui me donnerait une peine inutile, » me répondit-elle. « Et s'il vous en souvient, messieurs, la robe bleue de ciel fit le tour de la saison. » En ce moment, celle qui était l'objet de cette conversation quitta le banc où elle était assise, et laissant aux mains du domestique son carton à dessiner, elle resta quelque temps appuyée sur le bord de la terrasse. Elle était ce jour-là vêtue d'une longue robe blanche qu'une ceinture de même couleur serrait autour de sa taille. Son chapeau et son châle étaient blancs. Cette toilette, dont rien n'altérait la simple uniformité, s'harmoniait merveilleusement avec ses traits. Elle s'avança lentement sous la voûte des grands arbres. Sa démarche était celle d'une reine, pleine de dignité et de grâce à la fois. Les jeunes gens se levèrent à son approche. Elle rendit avec affabilité leur salut à ceux d'entre eux qu'elle connaissait plus particulièrement, et bientôt elle disparut au détour d'une allée. « Quelle est cette dame ?» demanda brusquement le comte de Meghan au milieu du silence général et comme se réveillant en sursaut. « C'est la comtesse Faustine dont nous parlions tout à l'heure, » répondit Felder. « Est-elle étrangère à ce pays ?»« Oui, mais voici quelques années qu'elle y réside. Mariée ?» Cette question donna lieu à une foule de réponses diverses, et tous les jeunes gens se mirent à répondre à la fois. « Elle l'a été. Elle est veuve. Elle s'est remariée. Peut-être. » « Cela n'est pas certain. » Le comte promena autour de lui un regard sérieux. « Ces messieurs plaisantent, » dit-il. « Sur mon honneur, monsieur, » répliqua le centaure, « nous avons dit la vérité. »« Mais la vérité la plus vraie, » ajouta Felder, « c'est qu'elle est veuve d'un premier mari. En a-t-elle un second, j'entends, un mari par devant la loi, c'est ce que tout le monde ignore. »« Voyons, Felder, » dit Mario, « vous connaissez cette dame particulièrement. Je l'ai compris à la manière dont elle vous a salué. » J'ai été quelquefois admis dans son intimité, mais je n'en sais pas plus que ces messieurs. Pouvez-vous me présenter chez elle? Excusez mes questions, messieurs. C'est le privilège d'un étranger qui désire se mettre au fait du pays et de ses habitants. Mon Dieu, monsieur, repartit le centaure, vous êtes libre de nous adresser autant de questions qu'il vous plaira. Je vous avertis seulement que cela ne servira de rien à votre instruction. Chacun de nous vous répondra, comme tout à l'heure, par une version différente. Quand il s'agit d'une femme aussi excentrique, toutes les suppositions sont admises. C'est, pour ainsi dire, une cavalière où chaque cavalier court au hasard sans but marqué. Et à ce propos, comte de Meghan, vous arrivez de Vienne. Permettez-moi de vous demander si les courses de cette année ont été brillantes, très brillantes. Avez-vous vu le cheval qui a remporté le prix? Savez-vous son nom et celui de son propriétaire? Je regrette de ne pas m'en être informé. C'était, je crois, un cheval alezan. Vous n'en êtes donc pas certain, dit le centaure, avec une nuance de désappointement. Je me flatte, monsieur, que vous avez, comme moi, la passion des chevaux. Je les aime beaucoup. Vous les aimez beaucoup, comte de Meghan, j'en étais sûr. Du premier moment où je vous ai vu, je me suis dit, un homme ainsi taillé doit aimer les chevaux. Mais je n'aime pas en parler, répliqua le comte en souriant. Et au bout de quelques minutes, il prit congé des jeunes gens et s'éloigna pour assister au dîner de son ambassadeur. « À toi maintenant, Feldern, » s'écria toute la troupe dès qu'il fut parti. « Raconte-nous ce que tu sais sur ce personnage extraordinaire. »« Que vous dirais-je ? » répondit Feldern en se haussant sur la pointe des pieds et en posant. « Par le ciel, je ne sais rien sur Mario qui mérite d'être mentionné. Nous avons été élevés dans le même collège. Il a embrassé la carrière diplomatique et, sans être appuyé par de bien fortes protections, il y a fait son chemin. J'ignore s'il est riche ou pauvre, mais qu'il ait ou n'ait pas d'argent, alternative dans laquelle je l'ai vu souvent placé, il n'a jamais l'air d'y tenir, comme s'il pouvait s'en procurer à volonté. Pendant que nous étions à Göttingen, un prince introduisit la mode de porter à la main des cannes élégantes et de grand prix. Chacun de nous employa à cette fantaisie une somme considérable. Mario ne nous imita pas. Peut-être, à cette époque, ses moyens pécuniaires ne lui permettaient point une telle dépense. Nous lui en fîmes l'observation. Mais savez-vous ce qu'il nous répondit ? Qu'il ne voulait pas ressembler à un tambour-major. Eh bien, sa remarque porta coup. Nos longues cannes nous parurent ridicules et 2 jours après, on n'en portait plus. Ah, les paroles de Mario ne tombaient jamais à terre. « Bon, » répliqua un des jeunes gens, « vous subissez l'influence de ces plaisanteries. » Mario ne plaisantait jamais. Il se montrait réservé et sévère comme aujourd'hui. Il se battait dans l'occasion et bravement, mais il ne cherchait point les duels. Nous verrons s'il prendra ici, comme premier secrétaire de l'ambassade, l'ascendant qu'il exerçait comme étudiant, dit le même jeune homme. Il paraît assez en avoir l'intention, remarqua un autre. Vous vous trompez beaucoup, répondit Feldern. Il ne songe qu'à maintenir son indépendance et à marcher droit devant lui. Seulement, il ne faut pas se mettre en travers de son chemin. Là-dessus, le petit groupe se dispersa. Le centaure, en suivant les allées du jardin, murmura d'un air de réflexion profonde. Oui, je l'avais bien deviné, il aime les chevaux. Mais je m'étonne qu'il n'aime pas davantage à en parler.